fois tu nous impressionnes. Des fois je suis au bord de la mer, des fois je suis à bord d'un GT. Des fois je m'embourgeoise, mais j'oublie pas ce que j'étais. La prison nous a niqué, la juge nous a pas acquitté. On a fait passer la coque car Dieu nous a pas guidé. Maman se lève pour faire l'odo, moi je rentre pour faire dodo. En garde à vue, si tu dors bien, on te réveille pour faire la photo. J'ai pas mal de condamnations, mais j'ai jamais donné de place. À l'époque, lors des concerts, personne nous a donné de place. Si on me pète et que les Schmitt me questionnent, je dirais que je sais rien et que je connais personne. On sort le machin pour la mifou la somme. Tant que tu tires en l'air, crois pas que tu nous impressionnes. Si on me pète et que les Schmitt me questionnent, je dirais que je sais rien et que je connais personne. On sort le machin pour la mifou la somme. Tant que tu tires en l'air, crois pas que tu nous impressionnes. Quand ils ont besoin de toi, ils viennent à genoux te supplier. Une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, normal, ils vont te supprimer. Et l'ami de mon ennemi ne sera jamais mon poteau. Ils ont traqué la mégane, le téléphone et la moto. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas. Moi, y'avait personne au parloir. Avant, j'étais en chien, aujourd'hui, je tourne à 100 000 par mois. Et quand je rentrais tard, moi, la daronne s'inquiétait. Je lui disais, t'inquiète pas, un jour, ton fils va tout niquer. Il faisait que de me chercher. Oh, donc je suis revenu chargé. La mitraillette va cracher, pas le temps pour les regrets, la marche arrière est cassée. Il faisait que de me chercher, donc je suis revenu chargé. La mitraillette va cracher, pas le temps pour les regrets, la marche arrière est cassée. Si on me pète et que les Schmitt me questionnent, je dirais que je sais rien et que je connais personne. On sort le machin pour la mif ou la somme. Tant que tu tires en l'air, crois pas que tu nous impressionnes. Si on me pète et que les Schmitt me questionnent, je dirais que je sais rien et que je connais personne. On sort le machin pour la mif ou la somme. Tant que tu tires en l'air, crois pas que tu nous impressionnes.